Yes, I'm strictly I tell you, I'm put in the pot. Hey, ring the alarm. Hey, whoa. Put a smile on your face. Strictly I tell her, I'm put in the chat. This is a sound man session, come follow me. Sound man session, this is a sound man session. Yes, hi, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Campus Hi-Fi. Il est 21h, passé de 10 minutes. On est sur Radio Campus Montpellier. On est ensemble jusqu'à 23h et il y a toute une équipe autour de ce plateau. Il faut bien le croire, effectivement. La plus belle des équipes. Voilà, le retour de Ludo. Après un mal de cou assez vénère. Alors Ludo, qu'est-ce que tu viens avec quoi ce soir? Les mains dans les poches? Bah ouais, principalement une petite bière et après bah, j'ai... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On répète. Mais du coup oui, j'ai... on a fait un concert de Balafonique et Zanzilé début février. Du coup, je me suis un peu intéressé à Zanzilé et je vous en dirai un petit peu plus au cours de ma chronique. Tenez-vous prêts. Super, Zanzilé, un emblème du dab. Un peu les emblèmes, ouais. C'est voilà. Vrai. Romain, ben moi, comment tu vas? Moi, bah, ouais, moi, ça va très bien, comme d'habitude, comme tous les lundis. Moi, je suis venu avec une petite chronique sur Brainless parce qu'ils ont sorti un album cet après-midi et on en parle depuis longtemps. Alors, il est temps de lever le voile à vous, très, très chers auditeurs, sur ce groupe et vous en dire un petit peu plus. À suivre. Gros stepper en perspective. Effectivement, oui. Ce sera dans pas longtemps, juste après la première musique qu'on va se faire, mais avant... Bah, il y a Yanis aussi, comment tu vas? Oui, salut. Moi, ça va super, hein. Comme d'hab, ça fait super plaisir d'être là autour de cette table avec vous. Et moi, du coup, j'arrive avec l'agenda du mois de mars qui est vraiment chargé. Vous allez voir, il y a pas mal de grosses sorties à faire ce mois-ci. Ça va user des chaussures. Les skanking shoes. Super. Bah, écoutez, on va commencer l'émission. Ah ouais, fallait que je vous fasse écouter un morceau. C'est un morceau de Dread Squad, un dubmaker polonais. Et je sais pas si vous vous souvenez de Satisfaction de Benny Benassier. Satisfaction. Voilà. Et ben, il vient de sortir une version stepper, skadub, comme qui sont hashtag sur SoundCloud. Et je l'ai trouvé excellent justement. Et du coup, ça va être notre première pause musicale. On demande à voir. Everybody hype them, come like the wonder and delight them. Make them stand up and have action. If they want war, we down the clash gun. Always ready with counteraction. Always ready with a squad man side. And a big man think we a rock all night. We a rock all day, we a rock all side. I'ma kill this great when I jump on mine. Hey. Yes, I, c'était Dread Squad à l'instant dans Campus Hi-Fi, Satisfaction de Benny Benassi remixé en version dub, ska dub, et c'était avec les voix de Kasia Malenda et J-Man. C'était lourd. Ouais. Ça rend mieux. Hein. La Pologne sait faire du dub. Et bah, sans transition, Romain, tu vas nous parler du coup de Brainless Sound System. Effectivement, Cédric, comme tu l'as dit, je vais vous présenter Brainless, à savoir que c'est un groupe originaire de Bourg-en-Bresse, à côté de Lyon, parce que Bourg-en-Bresse en soi, ça nous dit rien, enfin pas à moi en tout cas. C'est pendant l'année 2012 en tout cas que le groupe commence son activité. Ils organisent alors des soirées sound system en invitant des sonos et des groupes. Le groupe, qui se compose essentiellement de 8 membres, à savoir Sen City, Shiva, Gourbonton et Poupa Yapa, qui sont les MC, donc ceux qui chantent, et les autres membres qui sont les Rhythm Makers, à savoir Little Lion, Joe Kiddy, Joe Iris Smile, Sen City, encore une fois, parce qu'il chante et il compose, et Dr. C, dont je vous ai parlé il y a un mois avec son album solo qu'il a sorti, et que je vous avais fait écouter. Très très lourd. Voilà, ouais. Dont Yanis, tu connaissais déjà un peu les compositions. En quelques années, du coup, le groupe, il va petit à petit commencer à composer des morceaux, et c'est ainsi qu'en 2015, ils sortent leur premier album intitulé Human Machine, qui va leur faire enchaîner les dates en Europe, à savoir entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse, la Croatie, et la Slovaquie, et même la République Tchèque. Et du coup, on va s'écouter un des morceaux de cet album qui s'appelle Human Machine avec Gourbonton au chant. Ladies and gentlemen, hear the message. One day we'll reach the sky and crush all the liars. And if we do not reach the sky, all humans will be replaced by the machines. All machines! All machines! I'm a human machine, comfy manufacture what the rich men need. Never stop working and suffering, but always got the time feeding, entertaining. I'm a human machine, comfy manufacture what the rich men need. Never stop working and suffering, but always got the time feeding, entertaining. Using army hand until I get them ended. Never stop production to afford what they need. Every day considered as a human machine, but still got a heart and a mouth shouting. We're not here to be the victim, but we are fighters. We use a heavy sound to destroy those liars. By overconsumption is simple. I'm a human machine, comfy manufacture what the rich men need. Never stop working and suffering, but always got the time feeding, entertaining. Aha! Whip on the fire, make it burn. My lyrics are go turn. All massive and rich, so me gonna take some herbs to forget that we hurt ourselves in the back until we bite the dust. Style make you jump and rock. Brainless sound system is so scary and dark. Sensity I go run selection pan the top. And Dr. C here is well ready for shot. Poupa Yapa smashing and crashing rhythms. Little lions skanking until the early morning. The crew we represent is ready to fill in the heavy baseline that we are cooking. I'm a human machine, comfy manufacture what the rich man need. Never stop working and suffering, but always got the time feeding, entertaining. I'm a human machine, comfy manufacture what the rich men need. Never stop working and suffering, but always got the time. Voilà, c'était Human Machine, du coup extrait de l'album du même nom. Et à la période de la sortie de cet album, le Brainless Sound System ont construit leur sound system, pour avoir ce nom, ça paraît être bien d'en avoir un d'ailleurs, composé de 6 couples, leur sound system, qui très vite va leur permettre en fait de sonoriser eux-mêmes des soirées. Et dans leur album, que ce soit celui-ci ou les suivants, on va retrouver des morceaux assez variés. Et en fait, ça s'explique simplement par le fait que les morceaux sont composés pas par l'équipe entière, parce que vous imaginez bien que 8 personnes, ça doit faire beaucoup à allier, mais souvent en fait par une partie de la troupe, à savoir un ou deux rhythm makers et le même nombre, un ou deux MC, voire 3 par moment. Donc par exemple, dans le même album, on retrouve le titre Son of Gaia avec Joe Kiddy. En 2016, ils sortent 2 IP consécutivement, le premier réalisé avec Pritcha, intitulé Prophecy, et le second sorti par Guru Bonton, nommé Message to the Oppressor. Les 2 IP reprennent le même principe, un morceau en version rhythm, puis sa version chantée, et enfin la version dub. On va s'écouter un tout petit extrait de la version dub de Message to the Oppressor de Guru Bonton. To rule the world will not make you feel stronger. I have a message to all the oppression, to terrorists and also dictators. I have a message to all the oppression, to rule the world will not make you feel stronger. You think your soul is enough, large and wide, to crush the people all over the world, but some of them are enough wicked and wild. En 2017, le groupe sort un nouvel IP en collab avec Digitron, nommé Dubswap, composé de 6 morceaux. Et c'est à peine un an après qu'ils sortent un nouvel IP sur le même principe que les 2 sorties de 2016, mais cette fois en remixant le morceau Beat It de Michael Jackson. Du coup, sur cet IP, on retrouve la version remixée du morceau original du grand chanteur de pop, mais sa version dub du morceau sera aussi présente avec la version rhythm. Et d'ailleurs, on va s'écouter la version dub parce que c'est vraiment une pépite et que ça vaut le détour. Yeah. la même année, ils sortent un nouvel EP avec Pritcha, et celui-là s'appelle Society. Et ils présentent un morceau du coup avec l'artiste, puis la version dub, et deux autres versions remixées par Mahom et Azkaban. Et pour clôturer l'année, le 18 décembre dernier, ils sortent un album avec Tetrahydroca intitulé Chapter One. Donc je vais pas vous repasser un extrait parce qu'on l'a déjà peut-être assez entendu, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en passe, mais pour finir, il y a bah, du coup à peine un mois après, donc aujourd'hui, ils nous offrent un nouvel album, ou du coup fait que avec le crew cette fois, sorti chez ODG Prod, et il s'appelle Neisseria. Il est composé de 14 morceaux, dont 7 sont en collab. Alors à savoir, il y a une collaboration avec Bi et Bi Crew, je sais pas exactement comment ça se dit, mais sinon on en a une autre avec Ichiban, et ça, ça donne ceci. Voilà, donc Ichiban et Brainless, donc deux bons gros artistes qui font du bon gros snapper, ouais, c'est plutôt ça que je voulais dire. Qu'on pourra d'ailleurs retrouver à l'Exoria le 9 mars. Donc à Marseille. L'autopromo pour la chronique. Exactement ça. Et du coup, ça donne quand même un son plutôt énervé et on pourra peut-être entendre ça à Marseille, même s'ils sont là-bas pour Ichiban, lui, pour un set solo normalement, et Brainless sera avec Tetrahydroca. Du coup, pour ce qui est de l'album sorti aujourd'hui, pour revenir à ma chronique, on retrouve aussi des collaborations avec Killapi, Niche Wadada, qui fait partie de Jawork. Il y a Lickle Ferguson aussi, en featuring, et enfin Tetrahydroca. Qu'on retrouve aussi à l'extérieur. Il faut croire. Ouais. Et je vous invite quand même à aller écouter tout ça sur leur SoundCloud ou à le télécharger sur ODG Prod en free téléchargement, hein, comme d'hab. Et parce que ça vaut vraiment le détour et ça vaut le coup vraiment de s'y pencher quelques minutes dessus parce que c'est une pépite. Et pour clôturer cette chronique, on va s'écouter un morceau issu de l'album, et le morceau s'appelle comme l'album Neisseria, aux sonorités nettement plus techno que les autres morceaux, et je vous laisse écouter ça. Thank you. Voilà, c'était Neisseria, issu du coup de l'album qui est sorti aujourd'hui chez ODG Prod, de l'album de Brainless Sound System. Voilà, petit morceau qui m'a plutôt étonné, moi je sais pas vous. Ça surprend hein, quand même, on s'entend Brainless, pas. Brainless, d'habitude on s'habitue à du gros stepper, et puis là on, ouais, on tend vers la trance, la techno, c'est vraiment... Enfin, c'était sympa. N'est-ce pas Cédric ? C'est vrai que c'était surprenant quand même. Ça arrivait comme yeux. Ça là. Voilà. Bon, du coup, pour ce qui arrive maintenant, bah, ça va être ta Cédric. Bien sûr, ta Cédric à toi. Hein. Ta chronique à toi, la Cédric. Mienne en plus. Ouais. Sur Don Aldux, si je dis pas de conneries. Exactement. Oh. Et ben, bah, je te laisse nous présenter ça alors. What the time you have the dread? 12 o'clock, Nati. Roots. Alors la semaine dernière, alors que je me promenais sur mon SoundCloud, scrollant mon écran et les dernières sorties de mon fil d'actualité, je tombe sur un riposte de Marée Basse Productions. La pochette interpelle mon attention, on y voit un grand serpent dans un arbre surplombant un canard qui porte un baluchon et un chapeau pointu. Mais la description fait plutôt rire à la radio. On s'attendait à tout sauf au canard. Ouais. une atmosphère très asiatique, avec on voit un petit gong sur la pochette, tout ça. Ouais, du coup, ça a interpellé mon attention. Donc, je survole une ou deux tracks de l'album, parce que j'avais pas beaucoup le temps d'écouter tout ça. Enfin, bref. Et il se trouve que c'était vraiment de la frappe. Bonne nouvelle. Ah. Du gros stepper. Du coup, je mets l'album de côté en me disant je le réécoute plus tard. Forcément, plus tard, j'y pense pas et tout. Et je re-scroll mon SoundCloud. Bref. Et je retombe sur un autre riposte de cet album et je dis bon, bah, cette fois, je vais l'écouter. Et je l'ai tellement apprécié que j'ai décidé d'en faire un billet. Et du coup, je vous parle, comme tu l'as dit, Romain, tout à l'heure, de Donald Duck. Okay. Alors c'était un extrait de son dernier album The Dub Adventure of Donald Duck, morceau qui s'appelle Seaside Cop, qui nous fait l'opening de cet album. Comme vous avez pu l'entendre, Donald Duck qui s'écrit en deux mots, hein. Don et plus loin Al Duck, bah ça casserait presque trois pattes à un canard. Voilà. Donald Duck du coup c'est un dober lillois qui fait du gros stepper à influence indienne. Je sais pas si vous l'avez entendu dans cet extrait. Il faut savoir qu'il a vécu 2 ans en Inde, il a beaucoup voyagé là-bas et il a donc pu s'imprégner de la culture et surtout de la musique locale. Et justement, je vous propose d'écouter un peu d'influence dub à travers cet extrait. Avant d'écouter son album dont je viens de vous parler, j'avais déjà connu Donald Duck par un extrait d'un morceau à lui qu'il avait fait sur le label Marée Basse. Et c'est ce morceau qui m'a... Voilà, c'est grâce à ce morceau que je me suis mis à follow ce dumb maker. Alors ce morceau, je le trouve juste énorme et il est déjà passé dans des soirées organisées par le Lakota Sound System pour information. Ce morceau, c'est du stepper très très lourd, je vous laisse écouter. On est autour des 155 BPM à peu près. Vers quelle heure du coup de la soirée? Pour le rose de Charnel, pour la souris seulement, une pleine de sommeil et des... Là, c'est un de ses premiers morceaux qui s'appelle À la nuit. Et du coup, j'ai découvert, ouais, il y a un petit moment, et il m'a mis une petite claque, comme vous avez pu le remarquer. Ça va très vite. Alors, ce Donald Duck, il a d'abord sorti un premier EP qui s'appelle Outbound Journey en 2018. Et on peut le retrouver sur le site de Marée Basse. Et ce premier extrait, il y a un morceau incroyable qui est issu de cet album. C'est l'opening de cet album, et on retrouve une flûte que je qualifierais de très envoûtante et qui accompagne toutes les productions de Donald Duck. Je vous laisse écouter l'extrait de ce morceau qui s'appelle Seaside Camp. C'était le morceau Seaside Camp, c'est l'opening donc de son premier album qui s'appelle Outbound Journey, qui est sorti en 2018, album qui comporte 8 titres et qui est à l'image de ce premier morceau, je trouve, hyper immersif, on va dire. Envoûtant. Envoûtant, c'était un bon mot en effet. Et personnellement, du coup, il a fait un dernier album que je trouve hyper réussi. Dans un autre registre, peut-être un peu plus énervé, avec des passages très stepper qui frôlent limite la techno, toujours ses influences indiennes, et surtout toutes ces rythmiques techno un peu agressives, entre guillemets, qui sont super bien amenées à chaque fois. Et du coup, je vais vous proposer un petit extrait qui illustre ça, je l'espère. Propose-nous donc. C'est le morceau « Look for the Bass ». We'll be right back. C'était un extrait donc de son dernier album qui illustre parfaitement l'album. Et le morceau s'appelait Look for the Bass. Voilà, je sais pas si ça vous a plu. Ludo, je pense que... Ouais, c'est sympa, hein. Oh, non, mais quand même, hein. Ah, presque dans la techno. C'était presque sympa. Presque, je l'appréciais, quoi. Hein. Ouais, donc son album The Dub Adventures of Donald Duck, avec donc une pochette avec une typette très asiatique, à retrouver sur son SoundCloud, sur le site de Marée Basse. Et je vous invite à suivre Donald Duck sur tous les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un très bon artiste, et c'en est un même, voilà, qui nous prend des très bons thèmes. Et pour finir cette petite chronique, on va écouter un extrait complet cette fois de son dernier album, avec un morceau, l'avant-dernier si je dis pas de bêtises, qui s'appelle New Dub Horizon. C'était Donald Duck avec le morceau New Deb Horizon. Il est 21h55 et vous écoutez toujours Campus Sci-Fi sur Radio Campus Montpellier. On est ensemble jusqu'à 23h. Ou plus. Plus. Et, et bah sans transition, Ludo, on va passer à ta petite chronique. Du coup, moi j'aime beaucoup la techno. Et pour vous prouver ça, bah, j'ai choisi un groupe qui fait du dub full instrumental. Donc c'est Zandile. Donc au niveau des sonorités, on est quand même assez proche de Hayton. Hein. Je sais pas si vous voyez le délire, peut-être qu'Hayton est plus connu que Zandile. C'est des dubs assez puissants, enivrants, chaleureux je dirais même. Et du coup, moi je connaissais pas trop Zandile, je les avais vus à l'affiche de quelques événements du coin, mais je m'étais pas trop intéressé. Et ce, jusqu'au vendredi 1er février, où ils se produisaient juste après Balafonic Sound System à la salle de l'Ombrière à Uzès. Donc, après moult péripéties pour y arriver, on se retrouve dans une belle salle avec un public, je dirais, un peu plus âgé qu'à mon habitude en soirée Sound System. Je dirais peut-être enfin, autour de 35 ans, c'est pas très vieux, mais je me sentais quand même le plus jeune de la salle. Pas... Attention à ce que tu dis, il y a sûrement des personnes... Ouais, voilà, je sais pas, il n'y a pas de jugement derrière, hein, mais c'était ce que j'ai constaté. Après, je dis, il n'y a pas d'âge pour apprécier les bonnes choses. Hein. Bref, du coup, on arrive dans la salle à peu près à la moitié du concert de Balafonic. Puis il s'ensuit une pause qui me laisse le temps d'aller chercher une bonne bière ambrée au bar. Hein. Forcément. Elles n'étaient pas dégueu, franchement. Bref. Et l'abus d'alcool est toujours dans toujours. Toujours. Faut pas l'oublier, même si on boit. On répète. Et s'ensuit donc le début de Zandile. Et là, la magie opère. Alors moi j'écoute peu de dub instrumental, hein. Je crois que vous l'avez compris, je vais pas le répéter, et sûrement dû à mes influences techno. Dans tous les cas, je me régale totalement, chaque morceau me plaît énormément, on passe d'un son très groove à un autre bien plus percutant, plus endiablé, puis d'un coup pour repasser sur une création beaucoup plus calme, enivrante, je dirais même planante. Et je ferme les yeux, et là le voyage commence, rythmé par la voix du chanteur qui passe dans une grosse reverb, accompagnée d'un delay qui rend sa voix atmosphérique et lointaine. Les musiciens, eux, sont tout aussi chauds, autant celui à la basse qui se permet d'augmenter le tempo de temps en autre, amenant peut-être à me faire genre de la techno, non mais toujours pas. Et aussi bien le backer hein, qui faisait un gros taf. En tout cas, moi je peux que vous recommander d'aller les voir, vous ne serez pas déçus. Une belle découverte qui m'ouvre de nouveaux horizons musicaux. J'ai passé une bien belle soirée, très bien organisée en tout cas, et avec une ambiance bien sympa. Je recommande cette salle à Uzès. Ouais. Je suis d'accord. Nickel, très bien. On a passé une bonne soirée. C'est l'Ombrière. L'Ombrière, c'est ça. Voilà. C'est une belle salle en pierre. Juste à côté du tribunal du Zest. C'est ça. Ouais. Mais ça fait un peu château, c'est joli. Ouais, sous c'est les grands arbres et tout, ça faisait très convivial, très sympa. Même la musique, l'ambiance, tout était ouais, franchement, au rendez-vous. Pour super bonne soirée de dub, vraiment sans prétention. Ouais. Tout le monde est là pour kiffer, sans plus. Nickel. Et donc, bah, par la suite, moi j'ai chiné dans la discographie de Zandile. Et déjà, c'est qu'elle est grande. Hein. Leur premier album est Sachem in Salem, sorti en 99. Ensuite, je pourrais citer Electric Soul, qui est paru en 2012, ou d'autres plus récents, comme leur collaboration avec Jairi l'an dernier. C'est une sorte de suite, en fait. Ils sont 5 de base, mais ils réalisent assez souvent des featurings qu'ils présentent dans les 5 plus 1. C'est une suite d'EP. Et donc, l'EP avec Jairi en fait partie. Ils ont aussi joué avec Sir Jen, c'est l'ancien chanteur du Peuple de l'Herbe. Ils ont fait également... un album de 10 morceaux avec Hayton en 2006, sorti chez le label Jarring Effect. Et leur collaboration s'appelait Zenton, du coup, hein, c'est la contraction de Zenzil et Hayton. Zenton, vous l'avez. Bien trouvé, nickel. Tu l'as deviné. J'ai mis un peu de temps, hein, presque. Mais... T'as dû chercher pour ça, je pense. Et donc, c'est vraiment cette collaboration qui est mon coup de cœur. Hein. Je vais vous faire écouter et même savourer, je dirais, le morceau Crash Test, le troisième morceau, il me semble, de l'album. Vous entendrez par vous-même, hein, que j'entends par un dub à la fois puissant, planant et atmosphérique. Et c'est un morceau que je trouve super bien fait musicalement, avec une guitare électrique qui rappellerait le rock par moments. We'll be right back. Et du coup, c'était Crash Test de Zenton, la collaboration entre les deux génies Zenzile et Ayton. Enfin, les deux génies, les deux groupes génies. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, la guitare vachement improbable, mais qui surprend. Ouais, c'est arrivé comme une cerise sur le gâteau, comme ça. C'est beau, c'est beau. Comme tu disais tout à l'heure, c'était à la fois puissant, atmosphérique, ouais. Et c'était quoi le troisième? Et le dernier, c'était... Attendez, je cherche, planant. C'est peut-être pas celui que tu cherchais, mais du coup, ouais, vraiment, tout l'album, c'est plein de trucs un petit peu improbables. Et donc ça aussi, vraiment, toujours avec ces trois adjectifs, hein, puissant, planant, atmosphérique, bien fait toujours. Et c'est des morceaux, des fois, vachement calmes. Donc on pourrait écouter dans son canapé en rentrant d'une journée de travail. Ou alors comme un lundi soir. Un gros son de système, et là, ça zouk à fond. C'est bon, enfin, voilà. C'est... C'était mon point de... Enfin, mon petit coup de cœur, mon techno de ce mois-ci. Allez. Merci beaucoup, Ludo. Plaisir. Et on passe donc à cet agenda de mars, et on commence par du très lourd. Donc le 2 mars, la deuxième édition du Quai des Dub Session, une soirée organisée par Travel Sound qui viennent poser leur basse au Quai des Arts de Sommières. Donc une belle soirée en prévision pour la somme de 5€. Et c'est samedi. Et c'est samedi, ouais. Pas besoin d'attendre, c'est presque là déjà. Quel pistache. Le 1er mars, Matisse Selecta de G-Work Promotion, qu'on aura sûrement bientôt l'occasion de pouvoir inviter à cette émission. Viendra du coup poser ses scuds à la taverne du perroquet pour la modique somme de 0€. Donc je vous conseille d'y aller faire un tour. C'est un peu tendu. C'est pas cher. En plus, le lieu est très accueillant. Donc pour rester sur G-Work Promotion, on pourra aussi les retrouver le 12 mars à l'Audibi. Donc encore une fois, gratuitement. Alors si vous voulez supporter la scène locale, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour les amateurs de route, trois grosses soirées sont prévues donc au Meloman Club. Le 9 mars, Salford Welker pour sa première fois sur la scène montpelliéraine, accompagné d'Aziz Selecta. Le 16 mars, Roberto Sanchez qui vient jouer sur les basses d'Imperial Mighty Sound. Donc ces deux soirées commencent à 23h et sont au tarif de 10€ l'entrée. Et enfin, du coup, le 23 mars, c'est Gladiator qui viennent jouer en live à partir de 21h pour un tarif de 20€ l'entrée. Donc, pour sortir un peu du méloman, le 16 mars, Kanka et Numeza viennent retourner le masque des Lozières sur la somme de Welder Hi-Fi. Donc, une très très grosse soirée en prévision pour la modique somme de 13€ en pré-vente et 16€ sur place. Moi, je peux que vous conseiller d'y aller, ça risque d'être du très très lourd. Le 16 mars. Le 16 mars. Ok. À noter. Donc là, on sort un petit peu de notre juridiction, mais comment ne pas parler de l'Exoria ? Faut croire qu'on ne peut pas s'en empêcher. Hein. Du coup, le 9 mars, donc, vous retrouverez sur la scène marseillaise Ishiban, Brainless et THK pour ne citer que. Ouais. Donc les prix varient entre 11 et 20€. Donc. Je vous conseille très vivement d'aller sur l'événement Facebook pour plus de renseignements. Ouais, à savoir, moi je peux vous en donner un de plus, ça finit sur de la trance et il y aura la petite fumée à voir aussi. Mais bien sûr. Peut-être Ludo. C'est possible. Et enfin, le 21 mars, Marina P et Standby Patrol, qu'on présente plus, hein, qui viennent jouer dans la salle Victoire 2 pour la promo de leur nouvel album Summer on Mars, que vous pouvez écouter depuis le 9 novembre. Donc la soirée, c'est de 20h à minuit pour la somme de 21€. Donc pour ceux qui les ont pas encore vus, c'est du classique, une base sûre pour passer une bonne soirée. Oui. Donc faites-vous plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cet agenda du mois de mars. Et c'est pas mal déjà. Et ouais, c'est pas mal, ouais, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Il y a ouais. Quoi sortir tout le week-end, non? Quasiment, ouais, ouais. Ah, quand on est amateur de skank. Ouais, voilà. Pas le temps de s'ennuyer. Hein. Donc on enchaîne directement sur le morceau Summer on Mars, donc 8e track de l'album du même nom de Standby et Marina P que vous pourrez retrouver, comme je l'ai dit, à V2 le 21 mars. Talk. They must speak and speak. I just watch. vous êtes toujours sur Campus Hi-Fi, on vient d'écouter Summer on Mars de Stand Eye Patrol et Marina P, et on passe tout de suite au point sorti. Et on commence ce point sorti avec la sortie du nouvel opus du groupe anglais Gentleman's Dub Club. Et cet album est intitulé Lost in Space et est sorti chez Easy Star Records. L'album y regroupe 10 morceaux, dont 2 featuring, le premier avec Winston Francis et le second avec Million Stiles, ce qui donne un morceau plutôt dansant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, celui-ci se compose de 8 musiciens alliant guitare, batterie, basse, clavier, chant, percussion, trompette et enfin saxophone, pour un style musical qui ne se limite pas seulement au dub. Bon, après, dans cet album, on retrouve quand même essentiellement des morceaux oscillant entre reggae et dub, comme dans Out of This World. Voilà, encore une fois un morceau qui nous donne envie de fermer les yeux et de profiter de la musique, n'est-ce pas Ludo? Classique. Et du coup, je vous invite quand même à aller voir l'album plus en profondeur, on peut le retrouver sur leur Bandcamp, on peut aussi le commander en version vinyle ou CD sur le site de leur label, à savoir Easy Star Records. Et pour vous donner envie, on s'écoute encore un petit extrait parce que un n'est jamais de trop. Through my bloodstream, I wanna get higher. Stardust rushing through my bloodstream, I wanna go faster. Stardust rushing through my bloodstream, I wanna get higher. Stardust rushing through my bloodstream, I found myself lost in space. Et voilà, on passe maintenant au prochain album, à savoir on change quand même assez de registre puisqu'on passe sur un album de Artix, un album qu'il a sorti donc dans le mois dernier, et celui-ci s'appelle Nomad, il est composé de 9 morceaux, tous en featuring, à savoir qu'on va retrouver donc The Legerians, The Radiators, Ascan Vibes, Roots Attack, The Roots Addict, Zenzile, dont parlait Ludo tout à l'heure, Anti-Bypass, Dub Shepherd, avec G-A-H-N-O et le dernier avec le même groupe là, G-A-N-O un peu bizarre. Et pour vous donner une idée du morceau avec Zenzile dont parlait Ludo, ça, le choc des deux groupes, enfin des deux groupes de Artix et de Zenzile, ça donne ça, Zenzile. voilà, l'album, si vous l'écoutez, ou bah, sinon je vous le dis, hein, il oscille entre dub et reggae. Et sur chaque morceau, je trouve qu'on ressent bah, bien ce style bien propre à chaque groupe. Et tout ça avec les sons de Melodica à l'Artix, parce que c'est quand même son album, et c'est vrai qu'on ressent, on sent bien sa présence dans tous ses morceaux, où il remixe un peu tout ça grâce à sa Melodica, c'est magique. Vous pouvez retrouver du coup cet album en libre téléchargement sur ODG Prod, hein. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, je pense, vu qu'il fait partie du groupe d'Underground. Et voilà, pour ce qui est du côté musical, on finit ce point sorti sur le morceau The Dance of Joy, donc de Artix, issu de son album Nomad. Et ben voilà. Romain, voyons les annonces, cette musique. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? C'était The Dance of Joy, du coup, issu de l'album Nomad de Artix, qui est sorti dernièrement chez ODG Prod. Super. Bah, en tout cas, merci pour ta chronique. Et ben, merci à vous pour cette soirée et pour cette émission. Alors du coup, ce soir, bah, on va continuer avec la partie invité. Ce soir, les invités, c'est à nouveau la team de Campus Hi-Fi. Si ça, c'est pas incroyable. Merci, Campus Hi-Fi. En plus, c'est difficile de les avoir, hein. Une fois par mois. Ça reste quand même nos auditeurs les plus fidèles. Et... Il faut croire. Hein. Big up à vous. Toujours présent. Vous les meilleurs. Sauf ouais, en cas de mal de coup. Du coup, on est là jusqu'à 23h. Au moins en direct, c'est Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier 102.2. Et on va faire une petite section, on va passer des morceaux section. Comme ça. On va enchaîner des morceaux, je dirais comme même. Comme ça nous vient. Ah, les enchaîner quand même. On entend Tom à côté qui est malade. Soigne-toi. Merci beaucoup à Tom. Du coup, je vous propose d'écouter. De commencer cette morceau. Petite sélection. Bah ouais, tant qu'à faire. Cool. Après, on peut t'écouter parler si tu veux. Ouais, non, je préfère le morceau, je pense. Alors, du coup, moi, je vous propose un morceau de Ghana Sound System remixé par le Lab. Et le morceau s'appelle Kill the Master. Et je pense que c'est un bon morceau pour entamer la sélection. C'est Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. On est ensemble jusqu'à 23h. Et c'est parti. politics financing all the wars. With drug trafficking, traveling from so far. Nothing is stopping them and nothing makes it hard. Them not stop selling, don't end behind closed bars. Politicians getting in, big money hustling, cocaine packets coming in. Black market money thing, lies and hypocrisy from systematic entity. Going after everything in this country that we're living in. So each one, try to learn and teach one. So each man knows the truth they try to keep from. It keeps on getting harder and harder. Weapons coming in, but man can't cross the border. Each one, try to learn and teach one. So each man knows the truth they try to keep from. It keeps on getting harder and harder. Weapons coming in, but man can't cross the border. Bad man politics financing all the wars. With drug trafficking, traveling from so far. Nothing is stopping them and nothing makes it hard. Them not stop selling, don't end behind closed bars. Politician getting in, big money hustling, cocaine packets coming in. Black market money thing, lies and hypocrisy from systematic entity. Going after everything. In a day's time, walking the road and always keep in mind. Got to move forward, don't act like you're blind. Got to realize, I say got to realize. Open your mind to the truths and rights. Time of revelation, I say time to provide. Knowledge for the missing from the ones who live a lie. Humanity's in demise. Society is teaching us to care about the time. Bad man politics financing all the wars. With drug trafficking, traveling from so far. Nothing is stopping them and nothing makes it hard. Them not stop selling, don't end behind closed bars. Politician getting in, big money hustling. Cocaine packets coming in, black market money thin. Lies and hypocrisy from systematic entity. Going after everything in this country that we're living in. When you reach the peak, you lose sight of your goal. Greediness makes you only want more. Happiness can't be bought or sold. With all the money or the silver and gold. 2 by 2, I said 4 by 4. Poor people hungry, living in war. Worldwide crisis coming by my door. Unemployed youths and we cannot speak. We'll be right back. Yo, this is a ganja tuna. In a power combination, see all the yoga smokers in a deep place. Rebel I at the microphone, Mr. Zebra. Legal, quiero mi ganja legal. Dejar de comprarle a un wicked man. Soy legal, quiero mi ganja legal. Porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganja legal. Si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Legal, quiero mi ganja legal. Sembrarla, cuidarla y cosecharla. Vamos a aprender, yes, hoy la María. Que quiero fumarla todo el día, es natural. Sensitive under the MIC. Me a tell them to show me your phone. If you're feeling ivy, you better take a selfie. Turn on your phone and shake your body. If you're feeling ivy, you better take a selfie. I tell you this, I wanna add the pure sense. If you're feeling ivy, you better take a selfie. Turn on your phone and shake your body. If you're feeling ivy, you better take a selfie. I tell you that you wanna add the pure sense. Me sensitive, I go on the microphone. All bitches in the place, please shake your bottom. We gonna make you wet with the brainless sound. So take off your clothes with style and fashion. This music we play to make you dance till the dawn. This music we play to make you feel you're not alone. This music that I love to play and diffuse. This is brainless song having a muse. I'm hot like chocolate, so baby sit down pan it. I want to see your shake, so baby sit down pan it. I love your body, so baby sit down pan it. I will be polite if you don't wanna eat. If you're feeling ivy, you better take a selfie. Turn on your phone and shake your body. If you're feeling ivy, you better take a selfie. this year when you are the pure sensi. I swear to all the ganja pussy, I swear that Brainless is ready, I swear that you will be Irie, I swear. The conquering lions from the tribe of Judah coming over your box to make you feel better. I'm coming like a king, baby, you are my queen. God's in my vein, something seems to be green. The waving shape of your body is music to my ear. Baby, I hold your tight so that you will have no fear. And if you come with me, I will pay you a beer. You are the reason why I'm pleased to be here. If you're feeling naive, you better take a selfie. Turn on your phone and shake your body. If you're feeling naive, you better take a selfie. I tell you this, you wanna add the pure sensi. When me say sensi, them a roll in a split. Cause in a me head, this is the cut of the leaf. And in a me stomach, I'm in a eating no beef. I long cyberness, I'm a robot up shift. Me sensi, I go on the microphone. All bitches in a the place, please check your bottom. We have made you wetter with the Brainless sound. So pull up that tune with style and fashion. And now this is the end of this rubber dub sound. This was Sensity in a rough selection. Jojo Irie smiling after the operation. And Guru Benton on the MIC station. Sensitive on the MIC. Me a tell them to show me your phone. If you're feeling naive, you better take a selfie. That's your one that had the pure sense. You're feeling naive, you better take a selfie. This one is a special dedication to the man called Conca. Conca is a dub organizer, is a dub constructor. Try it. Try it, cause you hell bent. I know things get tough, the going get rough. The little hustling is never enough, so you find it best to drift on a cloud of white dust. Bodies, bodies among us. Lego, Lego, Lego, Lego, Lego. I miss the Lego, Lego, Lego, Lego, Lego. The junkie bandwagon, the junkie bandwagon. In this age of nuclear. Every day you want it more, but destruction is sure. darling, so sharp, finally my home, riding. That luck that put me down. Oh. wanna be around. Oh please, I need more time to deal with it on my own. But I can't change. God knows I have tried. I can't change. Yet still I'm alive. I can't change. Finally it feels so right. And it's alright. It's alright. Oh, I can't change. God knows I have tried. I can't change. Yet still I'm alive. I can't change. Finally it feels so right. There's nothing wrong. Better love yourself. Get the while you take that crown. And keep on rising. What a lovely song. I need more time to deal with it on my own. Oh, brother, brother, you don't wanna talk so right. And sister, sister, could you stay by my side? Time just to understand that I can't change. God knows I have tried. I can't change. Finally it feels so right. I can't change. Yet still I'm alive. And it's alright. It's alright. It's alright. Yes, it feels so right. place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a sun. Them we mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Them just a talking. All of them just a talking. All of them just a talking. All of them just a talking. All of them just a talking. All of them just a talking. All of them just a talking. All of them just a talking. Them just a talking. Talk. sun is gone to bed. The innocent are dreaming as you should sleep. Trying to tease me for reaction, staying solid as rock in perfect peace. I find total satisfaction. Say rest, yes, in peace to those who pass, but also for the living. See again, show your life that you're never gonna give up, peacefully never gonna give in. Focus in the heart because she knows no end no start. Just a feeling and expression like a fine piece of art. I judge not the vibration for you without a hesitation. For the truth is never still and answers not for contemplation. So when the times get rough, well resist, no I shan't. Try and stop this holy work, well I know that I can. I keep it with my humility. I trust life knows what's best for me. Yeah. Thank you. sit us. Movement of the people. Oh yeah. Help me tattle, let me tell you this. Men and people will fight you down. Tell me why. When you see your light. Let me tell you, if you're not wrong, then why? Everything is alright. So we gonna walk. Alright. Through the roads of creation. We the generation. Tell me why. Try to break tribulation. Try to break tribulation. To break down oppression, rule equality.